vrai qu'on a fait des sous. C'est vrai qu'on a fait des sommes. À force de baigner dans le haram. À 6h du mat, les cœurs qui sonnent. Maman m'a dit d'arrêter. Mais j'ai préféré continuer. À force de faire le guéri. Résultat, je me suis fait péter. C'est vrai qu'on a fait des sous, c'est vrai qu'on a fait des sommes. Everyday on fait la messe, qu'on veut c'est écouler des tonnes. Dans ma clique on juste pas, chez nous c'est haram. Comme Alves sur le corner, j'pense à mettre ma banane. On a tous subi la hagra étant gamin. Moi j'ai une vengeance à prendre comme créateur de quoi gamer. J'ai perdu mes crampons toujours sur le terrain. Là pour l'instant j'suis au studio et j'dois finir à degrader. On calcule pas tous ces rappeurs à la con. Y'a pas qu'à la télé où faut tirer pour voir un marathon. Substance illicite vendue dans toute la France. Y'a que si on caillasse là-bas qu'on pourra avoir un keuf qui danse. On va jamais changer pour une salope. Pas se diviser pour une carotte. J'suis un gars de mon conseil. Même si j'pète le million, si j'te baisse, c'est vrai qu'on a fait des sous. C'est vrai qu'on a fait des sommes. À force de baigner dans le haram. À 6h du mat, les keufs qui sonnent. Maman m'a dit d'arrêter. Mais j'ai préféré continuer. À force de faire le guéri. Résultat, j'me suis fait péter. Y'a toute la cité derrière moi, j'te parle des grands et des petits. Le soleil au rendez-vous, donc les bécanes on a sorti. Y'a des raptors, des buggy, ouais. La boisson du Teshi, ouais. Les boubarons dans scooter pour nous dire s'il y a les deux chemins, ouais. Mes gars sont équipés, des malais locations. Y'a les condés qui vont passer pour un contrôle à l'occasion. On traîne à 5, c'est pas qu'une expression. J'fais confiance en personne, j'ai trop peur de la trahison. Mais les gars avec qui tu traînes, ton ami devient ton ennemi. Ouais c'est la vie. Maman m'a dit d'arrêter. Mais j'ai préféré continuer. À force de faire le guéri. Résultat, je me suis fait péter. C'est vrai qu'on a fait des sous. Mais c'est la vie. Plus je m'approche du pétain, plus je